Deuxième partie, chapitre 6e. Alaric ou Charlemagne. Qui distinguera d'emblée le son des trompettes quand les trompettes sonnent pour Alaric aussi bien que pour Charlemagne? Millicent Fianona se la répétait mentalement, cette phrase du livre où elle ne lisait plus. Assise dans l'encoignure d'un bow window au premier étage du grand hôtel de Saint-Hélier, elle laissait ses regards errer sur la mer qui battait le vieux môle, déferlait contre les assises du château Élisabeth. Un mois s'était écoulé depuis la soirée de l'opéra. Juillet dispersait la société parisienne sur les plages. Les Lovrin s'installaient à Dinard. Avant de les y rejoindre, comme elle l'avait promis, Madame Fianona faisait un court séjour à Jersey. Une raison majeure l'appelait dans l'île. Elle y était venue rechercher le frère de son père, un ancien officier de l'armée des Indes retraité aux environs de Saint-Hélier. Le major y soignait ses rhumatismes sous la tutelle ombrageuse de deux cousines, vieilles demoiselles méthodistes qui s'étaient constituées gardiennes du corps et de l'âme de leurs parents. Elles virent d'un œil alarmé l'arrivée de l'étrangère, fille d'un homme bizarre, expatriée par amour, sévèrement jugée dans une famille dont il s'était peu soucié. Suspecte et condamnée d'avance, la fille de l'Italienne, comme elle la nommait avec un accent de réprobation. Ces mots évoquaient dans leurs esprits rigides toutes sortes d'images sensuelles et diaboliques, toutes les troubles impuretés du sang amalécite. Dûment chapitré par les directrices de sa conscience, le major reçut sa nièce avec cette sécheresse anglaise qui rendrait jalouse une bille de bois de teck. Un cœur anglais où brûle le feu d'un sentiment sincère fondrait toutes les banquises des mers arctiques. Lorsqu'il se ferme et se fait volontairement hostile, ce même cœur congèlerait le Vésuve en pleine éruption. La jeune veuve exposa la situation critique où elle se trouvait depuis la mort de son mari. Elle essaya d'y intéresser le seul protecteur naturel qui lui resta. Elle obtint de cet oncle quelques considérations pratiques sur l'ignorance des éleveurs de bétail dans l'Argentine et ailleurs lorsqu'ils ne s'inspirent pas des bonnes méthodes anglaises, et quelques réflexions désobligeantes sur les personnes, comme il y en a tant, qui ont reçu l'inestimable privilège de naître d'un sang anglais, avec un confortable approvisionnement de raisons anglaises, et qui ne savent pas user de cette prérogative pour gouverner un mari chimérique dans les unions mal assorties où les précipite un blâmable dérèglement de leur imagination. Millicent sortira, toute meurtrie par tant d'injustice et de dureté. Rentrée à l'hôtel après cette pénible entrevue, elle cherchait du réconfort dans la lecture de son livre préféré. C'était le poème d'Elizabeth Browning, Aurora Leigh, testament d'âme qu'on dirait écrit par une fille spirituelle de Shelley, à l'allure des flammes ardentes et sonores près du bûcher où se consumait le poète. Millicent l'aimait entre tous, ce livre qui lui racontait sa propre histoire. Comme Aurora l'avait été toute jeune, arrachée de cette Italie où elle tenait par les racines du cœur, où son heureuse enfance était épanouie dans l'air qu'il lui fallait pour fleurir. Depuis lors, elle n'avait pas refleuri. Les journées, les années étaient tombées sur elle comme la pluie silencieuse dans la nuit. Deux fois orpheline, loin de la terre maternelle qui gardait les tombes de ses parents, dépaysée d'âme sous les cieux et dans les conditions de vie où le sort l'égarait, Millicent y avait connu ce long ennui du vide dont elle entendait la plainte dans l'éloquente confession d'Aurora. Son mari, diplomate correct et froid, toujours assombri dans le privé par le tracas d'affaires qui attristait leur foyer, n'avait pas su éveiller la femme endormie dans cette jeune fille. Elle sommeillait, soumise sans révolte à la règle d'une existence sévère, où l'inquiétude du lendemain éteignait toute joie. Elle n'avait frayé dans l'Argentine qu'avec des sociétés futiles. Le peu de communication qu'elle y trouvait contribuait à la replier sur elle-même. Loin de la séduire, les hommages grossiers de quelques bellâtres l'avaient dégoûtée sans l'instruire de ce qu'ils appelaient l'amour. Réfugiée dans sa musique comme en un palais de songes, elle y échappait aux soucis cuisants qui faisaient l'entretien habituel de Fianona. Elle y trompait des aspirations que tout étouffait dans la vulgarité de son milieu. ses rêves imprécis trouvaient des satisfactions suffisantes dans la caresse immatérielle des mélodies. La mort de son mari l'avait laissée aux prises avec des embarras dont elle connut bientôt toute la gravité. Restée seule et sans guide, elle essaya de liquider les entreprises hasardeuses où le défunt s'était engagé. La jeune veuve ne possédait aucune des aptitudes d'une femme d'affaires. Après une année d'inutiles tourments, elle dut s'avouer que la tâche était au-dessus de ses forces. Elle partit en confiant à l'associé de Fianona le soin de réaliser la petite fortune qu'elle espérait sauver. Au lendemain de ces rudes secousses, au moment où son existence prenait une figure nouvelle, alors qu'elle revenait libre et sans but à ce vieux monde, le monde de son enfance, une révolution s'était faite dans l'âme de Millicent. Éclosion tardive d'une plante longtemps comprimée. La vie réclamait ses droits imprescriptibles. Une femme voulait sortir de l'enfant passive, assoupie jusqu'alors dans sa tranquille torpeur. Elle avait pris conscience de cette mue sur le bateau qui la ramenait en Europe. Un long voyage en mer, c'est pour nos contemporains le seul équivalent des retraites que faisaient les gens des siècles passés quand ils allaient s'éprouver au cloître. Durant les heures désœuvrées de la traversée, sur la cellule flottante où il est affranchi des servitudes coutumières, l'esprit trouve le loisir de s'écouter penser. Millicent laissait à terre et oubliait pour un temps les préoccupations angoissantes des derniers mois. Elle courait à l'inconnu avec une sorte d'exaltation effrayée. Ses méditations solitaires furent bientôt diverties. À Rio de Janeiro, M. Robinson prit passage sur le paquebot de la compagnie hambourgeoise. Le grand spéculateur venait d'installer un service au Brésil. Il allait traiter d'autres affaires à Paris et à Londres. Assis à table entre le commandant et Mme Fianona, il se méprit sur la nationalité de la jeune femme qui causait en anglais avec le marin. Il lui adressa la parole en ces termes. « Agréable et riche, le pays que je viens de voir, gâté malheureusement par sa population et empoisonné par cette écume des migrants italiens, une race dégénérée que je ne puis souffrir. Empoisonné aussi par quelques pirates yankees, répliqua Millicent. Je plains les gens de ce pays s'ils sont forcés de voisiner avec ces sauvages brutaux. » Et elle se renferma dans le silence. Quand il se fut renseigné, Archibald voulut réparer sa lourde maladresse et en commit une pire. Il acheta chez la fleuriste du bord tout le stock de fleurs disponibles, et il les fit porter dans la cabine de Madame Fianona. Elle les renvoya avec ces mots sur sa carte. Deuxième offense, c'est le trust des maladresses. Le lendemain, M. Robinson l'aborda courtoisement sur le pont. « Je n'avais vu chez vous que l'anglaise, madame. Avec elle, si vous le permettez, je m'entendrai certainement. Elle intercédera pour moi près de l'italienne, qui me pardonnera peut-être. » Madame Fianona désarma, d'assez mauvaise grâce d'abord. Bientôt satisfaite de tenir à sa merci l'agresseur qui plaidait coupable, elle s'amusa franchement des efforts qu'il faisait pour se réhabiliter. 24 heures plus tard, les deux ennemis de la veille étaient très bons amis. M. Robinson paraissait se plaire dans la société de la jeune femme. Millicent lui sut gré d'être la pierre de touche, où elle vérifiait un pouvoir de séduction qu'elle n'avait jamais essayé. Jusqu'alors, les hommes vulgaires qui l'entouraient ne lui avaient révélé ce pouvoir que par d'odieux désirs, tribut grossier payé à son sexe et non à sa personne. Pour la première fois, elle goûtait le plaisir flatteur d'intéresser une haute intelligence, un personnage qui marquait dans l'élite humaine. Comme il arrive en pareil cas, son charme opérait d'autant mieux qu'elle y prenait confiance et s'abandonnait à la joie spontanée de l'exercer. La conversation de M. Robinson lui ouvrait des horizons ignorés. Ce monde des intérêts matériels qu'elle avait pris en horreur, parce qu'il ne lui était apparu que par ses côtés mesquins et souffreteux, se métamorphosait en féerie prodigieuse dans les vastes perspectives où l'imagination d'Archibald la transportait. Il en changeait les anciens aspects, il y réglait à sa fantaisie l'ordre des événements futurs, il y disposait du sort des hommes, pauvres créatures dépendantes des biens qu'il redistribuait. Et ce fils des titans qui jouait avec le globe comme un enfant avec son ballon, elle avait le sentiment délicieux de le retenir près de sa jupe, de lui faire oublier un instant le jouet magnifique. Elle eût aimé captiver en lui ce par quoi il la captivait, l'ardente volonté, la puissance élémentaire qui soulevait les montagnes d'or, comme le feu souterrain celle de la chaîne des Andes. Elle se rappelait, près de cet homme, des sensations déjà éprouvées, un jour qu'elle visitait une grande usine à La Plata. L'attrait inconscient qui lui faisait promener ses mains sur les cuivres, sur les aciers polis des machines, comme pour participer aux effluves de la force mystérieuse, si calme et si redoutable, qui mettait en branle tous ces énormes rouages. Quand les études physiologiques seront plus avancées, elles nous découvriront sans doute d'exactes correspondances entre les phénomènes du monde physique et ceux du monde mental. Un puissant courant électrique produit un champ magnétique. Il aimante les corps voisins et crée un pôle d'attraction. Rapprochée d'une énergie dominatrice, Madame Fianona recevait cette aimantation, elle était attirée vers ce pôle. Mit-elle un peu de coquetterie dans un commerce, chaque jour plus intime, plus plaisant pour l'un et pour l'autre, elle le pouvait sans danger. Monsieur Robinson ne se départit pas un instant d'une réserve qui écartait tout soupçon de galanterie. Ses attentions disaient ouvertement à Millicent qu'il la trouvait aimable, intéressante. Elle ne surprit jamais, elle guetta peut-être inutilement. Le mot, le regard, qu'il eût dit qu'il la trouvait jolie femme et désirable. Bien entendu, les autres passagers ne s'arrêtèrent pas à ces nuances. L'intimité des deux voyageurs donnait belle matière à gloser. Les imaginations méchantes sont simplistes, et la légende s'épaissit vite autour des moindres actes de l'homme en vue. Puisque l'irrésistible Nabab honorait de sa recherche la jeune femme, il voulait être, il serait bientôt un amant heureux. Il l'était certainement, après 15 jours de traversée, il ne pouvait point ne pas l'être. Ainsi en avaient décidé les Argus du bord. Ainsi était née l'historiette calomnieuse que le léger Féline colportait avec une si ferme assurance. Ignorante des mauvais bruits, Madame Fianona continua ses agréables relations à Paris sous l'égide de la duchesse de Lovrin. Elles furent moins faciles et plus rares dans ce Paris où M. Robinson était accaparé de tous côtés, visé par des femmes moins discrètes dans leurs attaques, assassiné d'invitations chez les plus belles, les plus élégantes. Millicent regrettait parfois les libres causeries du paquebot, les longues journées où cet homme attachant lui appartenait tout entier. Elle n'eût pas été femme si elle se fût retenue de faire valoir, devant le monde et dans ses entretiens avec Archibald, un titre de possession antérieur, presque un droit acquis sur son compagnon de voyage. Il n'eût pas été homme si certains mouvements d'humeur, à défaut d'autres indices, ne lui avaient point appris qu'on tenait à ce droit. Depuis la soirée de l'opéra, un autre intérêt s'était fait sa petite place dans les songeries de Millicent. Si absorbée qu'elle fût par la musique, l'émotion subite de son voisin, ce jeune officier ne lui avait pas échappé. Émotion durable, et que Tournoel ne sut pas dissimuler quand il rencontra le surlendemain Madame Fianona chez les Lovrin, où évidemment il la cherchait. Le capitaine avait sollicité la permission de lui rendre visite. À 2 reprises, pendant la quinzaine qui précéda le départ de l'étrangère, il était venu à l'hôtel où elle logeait. Il s'y était rencontré chaque fois avec d'autres visiteurs. Elle l'avait accueilli gracieusement, s'efforçant de le mettre à l'aise. Peine perdue, il parlait peu, ne savait pas s'en aller, s'éternisait sur le fauteuil où il était visiblement très heureux et très malheureux. Il laissait deviner les gauches anxiétés de l'homme qui voudrait arrêter la pendule, chasser des fâcheux qu'il a peur de voir sortir, sachant qu'après leur départ, il ne dirait rien de ce qu'ils l'ont empêché de dire. Millicent avait entendu ce silence. Nouvelle et décisive épreuve de son pouvoir de séduction. Plus concluante celle-ci, car c'était bien la femme, toute la femme, qui troublait si fort le jeune officier. Célèbre lui aussi, mieux encore, glorieux. Conquête enviable pour la plus difficile. Aventure lointaine et danger héroïquement affronté, il était paré de tous les prestiges qui gagnent à un Othello les bonnes grâces des Desdémones. jeune enfin de cœur et de visage, fait pour intéresser les femmes par le mâle caractère d'une figure, où le feu intérieur de la pensée éclairait des traits avenants. Ce soldat avait accompli de grandes choses, il en avait souffert, il suscitait les fiertés et la tendre commisération de son peuple. C'était aussi une force, différente de celle qu'on subissait chez M. Robinson, moins accablante pour les imaginations, plus engageante pour les cœurs. Millicent ne pouvait s'empêcher de le mettre en balance, ces deux forces qui avaient un instant gravité vers sa personne. Il lui semblait que la première l'attirait en l'effrayant, lui donnait à la fois désir et crainte de se laisser dominer par une énergie dévoratrice de l'univers, tandis qu'elle eût voulu dominer, diriger à son gré la seconde, celle qui ne lui résisterait pas, qui lui demanderait encouragement et secours pour grandir à l'égal de l'autre. Les deux images repassaient devant ses yeux, dans cette solitude de Jersey qu'une amère déconvenue faisait si hostile. Elle trompait son affliction en s'abandonnant aux pensées qu'il avait occupées durant ces dernières semaines. Elle comparait, s'interrogeait, sollicitée tour à tour par les deux attractions contraires, ses sentiments oscillaient. Musicienne habituée aux variations prolongées sur un thème, elle transposait à son usage la phrase qu'elle venait de lire dans Aurora Leigh, phrase dont le sens obscur s'éclairait par le contexte du poème et mieux encore par les applications qu'en faisait Millicent. Qui distinguera d'emblée le son des trompettes quand les trompettes sonnent pour Alaric aussi bien que pour Charlemagne? Elle sonnait à cet instant pour Archibald. Les journaux de Londres, ouverts sur la table de l'hôtel, étaient pleins de son nom. Le spéculateur avait déchaîné puis apaisé une révolution dans la puissante corporation des dockers. Leur procédé, qu'il jugeait trop arriéré, retardait le déchargement de ses navires. Il voulait américaniser les quais de la Tamise, y installer des élévateurs, substituer des machines au travail des bras. Les dockers s'étaient soulevés contre le despote étranger qui menaçait leurs privilèges et leur existence. Son ascendant avait vaincu la révolte de ses ouvriers. Leur bon sens pratique s'était rendu au raisonnement du maître qui les tenait en son pouvoir. Un autre journal dépeignait l'émoi de la population à Liverpool. Des experts de l'UST étaient partis pour Holyhead. Ils étudiaient un projet qui ferait de ce havre, au détriment de Liverpool, le point d'arrivée des paquebots américains, d'où grandes rumeurs et vives alarmes dans la cité maritime. Ainsi, l'ombre gigantesque de l'homme qui occupait Millicent se profilait auprès d'elle sur ses papiers, sur ce coin de terre, et la jeune femme froissait avec complaisance un télégramme reçu le matin de Southampton. Monsieur Robinson annonçait sa visite pour ce même jour, en compagnie de quelques personnes de Londres, qu'il avait prié à une courte excursion sur son yacht. Était-ce pour ce motif qu'Aurora gisait dans l'abandon, délaissée par des yeux qui interrogeaient l'horizon de la mer? Madame Fianona y vit bientôt apparaître une colonne de fumée, puis la silhouette élégante et robuste du Neptune, le yacht de l'Américain. Le guidon de l'UST flottait à la pomme du grand mât. Les invités de M. Robinson descendirent sur la jetée, s'acheminèrent vers l'hôtel. Dissimulé dans son observatoire, Millicent put observer à loisir les personnes qui accompagnaient son ami. Femmes de la haute société londonienne, pour la plupart des Américaines mariées en Angleterre, très gaies, très pimpantes dans leur toilette de voyage, qui voulaient être simples et trahissaient une grande recherche de luxe. Archibald vint saluer Madame Fianona avec ses façons habituelles de bon camarade, comme s'il l'eût quitté la veille. Il la pria de se joindre à la petite bande. On allait luncher au château de Montorgueil. Le manoir féodal de Jean Santerre, farouche relique enchâssée dans le roc sur un piton qui commande la mer, est le but favori des touristes. Ceux du Neptune avaient décidé de s'y rendre avant de rembarquer. Ils ne faisaient que toucher à terre à Jersey. Ils devaient pousser le soir même jusqu'à Dinard, où un grand match de tennis les appelait le lendemain. Millicent eût préféré causer avec le conseiller qu'elle avait souvent entretenu de ses ennuis, et lui raconter le mauvais accueil de cet oncle qui les aggravait. elle n'en trouva pas l'occasion. Préoccupée de ce souci domestique, un peu vexée par l'effacement de sa mise qui contrastait avec l'élégance de ces dames, comme sa tristesse avec leur gaieté, elle se mêla sans plaisir à une société où elle se sentait étrangère. On ne parlait autour d'elle que des petits commérages de la saison de Londres. On en régalait M. Robinson. Il s'égayait de l'animation de ses compagnes. Une jeune miss, d'une beauté provocante, s'appuyait sur lui pour gravir les pentes rocheuses qui conduisent à la terrasse de Montorgueil. On luncha joyeusement sur un des sinistres bancs de pierre où les Carterets expédiaient leur justice sommaire. Après leur pas, la compagnie s'engagea dans les escaliers intérieurs de la tour, gagna la plateforme du donjon. Là-haut, les bavardages mondains firent trêve, effarouchés par la saisissante grandeur du panorama, couvert par la voie profonde des eaux qui saignent sur trois côtés la base du promontoire. La plainte du refrain de mer montait contre la paroi du précipice, arrivait assourdie entre les draperies de lierre des murailles, venait expirer dans les pertuis des barbacanes. Sur le frissonnement lointain des abîmes où plongeait la vue, l'oreille devinait la répercussion infinie de cette même plainte, plus solennelle au large, dans l'attente des ténèbres qui vont s'abattre sur la face de la mer. Assombrie au baisser du soleil, elle prenait la teinte que les forgerons appellent couleur d'eau, violet luisant du fer poli qui a passé au feu. À l'extrême horizon blanchissaient les falaises de France. L'incertain liseré des côtes normandes se confondait avec un ourlet de nuages, pelotonné au bas du ciel. L'œil y distinguait encore une pâle aiguille qui trouait l'amas des nuées, la flèche de la cathédrale de Coutances. Sur cette aire de faucons, d'où les fils des Vikings guettaient leurs proies maritimes, M. Robinson, accoudé contre un créneau, aspirait les souffles du large. Son regard embrassait l'étendue des eaux avec une expression de convoitise que Millicent connaissait bien. Elle l'avait souvent observé durant leur traversée. Lorsque cet homme contemplait la mer, il semblait que ses yeux caves fissent effort pour l'engouffrer tout entière, et qu'en dehors d'elle, rien n'exista plus pour eux. La jeune femme s'approcha. Je vois qu'elle est toujours en vigueur, la vieille loi qui défendait d'introduire un étranger dans cette forteresse autrement que les yeux bandés, si bien bandés qu'ils n'aperçoivent même plus le chagrin d'une amie. « Eh quoi ? » repartit Archibald. « Auriez-vous quelque sujet de peine ? Il n'y paraissait pas la dernière fois que je vous vis. Vous causiez très gaiement avec le capitaine Tournoel. Vous sembliez prendre grand intérêt à ses récits. « Est-ce un reproche ? » dit-elle. « Bien au contraire, ce garçon me plaît. Je connais tout son mérite, gâté par quelques travers d'esprit qu'une saine influence pourrait corriger. Il subit une épreuve. Je crains que son énergie n'y faiblisse. Ce serait grand dommage qu'une si belle force se perdît. Quiconque le soutiendra, l'encouragera, fera une bonne œuvre, une œuvre utile pour tous. J'attends beaucoup de cet homme d'élite. J'ai des vues sur lui. Je vous en reparlerai. Si vous pouvez prendre quelque empire sur le capitaine, vous ferez un noble emploi des qualités d'intelligence et de cœur que j'ai tant appréciées chez vous, chère madame. » Les Anglais se précipitèrent à ce moment vers M. Robinson pour le complimenter sur la bonne grâce de son yacht. Le Neptune balançait ses mâts au-dessus du donjon, dans le petit havre de Sainte-Catherine où l'on devait rembarquer. Vu de cette hauteur, le solide navire paraissait un jouet d'enfant, coquet à ravir dans le raccourci de ses lignes. On redescendit au pied de la falaise. Archibald donna le signal du départ. Il dit à Madame Fianona qu'il se promettait de la retrouver prochainement en France. Millicent vit le Neptune s'éloigner, décroître au crépuscule. Les fanaux s'allumèrent, ses feux fuyants s'évanouirent dans la brume. Elle revint seule de Gorée à Saint-Hélier, d'assez méchante humeur. Ainsi, pensait-elle, il ne m'a parlé que pour me donner le conseil peu déguisé d'aller me jeter à la tête d'un autre. S'il croit qu'il aurait grand effort à faire pour m'en persuader. Et sa pensée se reportait sur cet autre, à qui on l'a renvoyé cavalièrement. Il n'aurait pas repoussé, lui, les avances amicales qu'elle s'en voulait d'avoir faites à Robinson. Avec quelle gratitude heureuse il les eût accueillies. Elle n'en savait rien, elle en était sûre. Il subissait une épreuve, avait dit Archibald. Quelle épreuve ? Pauvre garçon, il souffrait. Il avait besoin de soutien, lui, si courageux. C'était donc pour ce motif qu'il paraissait navré lors de sa dernière visite. Pour ce motif et pour un autre, parce qu'elle allait partir. Elle essayait de se remémorer chaque détail de leur rencontre. Puis, la petite fille qui persistait dans cette femme à peine éveillée réfléchit longuement, sérieusement, sur une singularité dont elle avait été très frappée pendant les visites de Tournoël. Pourquoi donc a-t-il le côté droit de la moustache d'un blond plus foncé que l'autre ? C'est joli d'ailleurs. Et ses idées, revenant à Robinson, un flot d'irritation lui remontait au cœur contre l'indifférence, la dureté de cet homme. Il n'a même pas pensé à me demander si je voulais prendre passage sur son bateau pour retourner avec eux à Dinard. Il était bien trop occupé de ses Anglaises. Il aurait eu honte de moi en si belle compagnie. Millicent oubliait qu'elle n'aurait pas pu accepter l'invitation. Un devoir la retenait encore à Jersey. Elle n'avait pas pris congé de son oncle. Elle s'était promis de tenter le lendemain un dernier effort auprès de lui. Cette entrevue fut aussi glaciale que la première. Même visage de bois, même cuirasse de défense et de réprobation. La jeune femme comprit l'inutilité d'une plus longue insistance. Autant eût valu attaquer de ses faibles mains les assises de granit qui portaient cette île. Elle fit ses adieux au major, aux deux dragons qui le défendaient contre les embûches des suppôts de Bélial. Et ce fut avec soulagement qu'elle s'éloigna, le jour d'après, sur le courrier de Saint-Malo qui la ramenait chez ses amis. La duchesse l'attendait au débarcadère. Millicent coupa court au compliment pour lui dire « Vous devez être satisfaite, cher ami. Voilà votre grand compatriote revenu. Je me fie à vous pour ne plus le laisser repartir. » « Vous tombez bien, » s'écria Madame de Lovrain. « Si vous croyez qu'on le tient jamais, il n'était pas ici depuis 24 heures qu'un télégramme l'appelait d'urgence à Brême. Une convention à signer, une nouvelle flotte qu'il veut avaler, je crois. Oh, c'est un homme très capable, si expéditif, si pratique. » Ces mots furent dits par la petite duchesse américaine avec le même accent de fierté patriotique qu'aurait eu son mari, s'il eût parlé d'un maréchal de France revenu vainqueur d'une campagne. Madame Fianona s'informa de leur connaissance parisienne pour en venir au nom qu'elle voulait amener. « Et le capitaine de Tournoël, que devient-il ? L'avez-vous revu souvent ?»« Une seule fois, » répondit Peg en riant. « Le temps de s'assurer que vous n'étiez plus à Paris et qu'il n'avait par conséquent plus de motifs pour nous honorer de ses visites. » « Ah, ma chère, je crois bien que vous lui avez inoculé une fièvre plus maligne que celle d'Afrique. »« Je ne lui veux pourtant pas de mal, » dit Millicent, et son regard partit très loin, dans une de ces fuites chercheuses qui en faisaient l'indéfinissable charme.